Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 11 janvier avez-vous choisi ? Le 11 janvier 1962, au Havre, on devait se sentir vraiment tout petit sur le quai. Imaginez au-dessus des badauds s'élevant comme une sorte de muraille la coque du paquebot France. Le Premier ministre de l'époque, Michel Debré, a fait le déplacement pour la croisière inaugurale du géant des mers, qui mesure plus de 300 mètres de long. Et malgré cette taille impressionnante, qui peut quand même filer 30 nœuds, c'est-à-dire 55 km/h. Et à l'époque, c'est la fierté du pays. Ah oui, c'est non seulement un symbole de puissance, mais aussi du savoir-faire français en matière de chantier naval. En l'occurrence, les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, bien entendu, que nous saluons. La construction avait commencé en 1957, le lancement avait eu lieu en 1960. De Gaulle avait alors déclaré avec son habituelle envergure que ce navire aille donc accomplir sa destinée, porter des hommes vers des hommes. Et pour finir, il avait dit « Vive le France, vive la France !» Bien c'est entendu. C'est aussi un bateau de luxe. Oui, par exemple, toutes les cabines sont climatisées, ce qui à l'époque n'est pas courant. Les passagers de première classe profitent de salons somptueux. 1700 passagers vont embarquer pour cette première croisière, direction les Canaries. C'est un petit tour pour roder les machines. Dès le 3 février, le navire entamera sa première traversée transatlantique. Et puis en 1974, vous savez, le bateau n'étant plus rentable, c'est un armateur norvégien qui va le racheter. Il faudra l'appeler le Norway, Norway désormais. Et oui, il changera encore de nom dans les années 2000 pour devenir le Blue Lady, en tout cas certainement plus le France, comme le chantait Michel Sardou. Ah oui, ne m'appelez plus jamais France. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Oui, pour évoquer cette complicité qui unissait Louis XIV.